Selon le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, les Coréens des États-Unis s'opposent à la disposition du SAD par les États-Unis et les autorités sud-coréennes. Ils utilisent le homepage de la Maison-Blanche pour la collecte de signatures qui exigent le retrait du plan de disposition du SAD. Dans leur requête, ils ont souligné que plus de 55 000 personnes ont signé le document jusqu'au 4 août dans le cadre de la collecte qui aura lieu jusqu'au 14 août et que le nombre des signataires s'accroît toujours. Les habitants de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord de Corée du Sud lancent la campagne de collecte énergiquement. Les formations civiques et sociales et les partis de l'opposition expriment l'intention d'y participer. Le comité contre la disposition du SAD de Songju a envoyé le 1er août le courrier électronique qui porte le questionnaire ouvert relatif à la disposition du SAD aux candidats à la présidence américaine.